Yo, et yo, celle-là c'est pour dire vrai. Si t'es parti, non, jamais je m'y ferai. J'avoue que je kiffe, là je le sens si vrai. Le meilleur en premier, le dicton dit vrai. Un maximum de phases, là où tu es, j'y serai. Avec des souvenirs, plus un sourire, t'as peint le ghetto. T'avais mal, j't'ai pas vu souffrir, tu m'as dit ghetto. Jamais ne lâche le pen, jamais ne flash pour les fausses faces qui gâchent le thème. Mon gars, je t'aime, t'as vu toutes les fonctions. Grand frère, PDG, fournisseur de bons sons. Tu nous mettais 10 ans, mais nous appelait tonton. Et pour nous protéger, nous a donné l'onction. Yo Freddy, de là où c'est comment, pas besoin d'un roman. Non, l'émotion du moment fait le taf. Et dans ton cœur, y'a cet espace. Un ange dans la pièce basse. Freddy, FK, Alfred, c'est pareil. Il y a environ un an, j'étais plus triste que la veille. Je ferme les yeux vers toi, je peux planer. Tu nous manques à jamais, dis vrai. Bientôt full load, c'est que je suis pas trop du genre à me plaindre. Mais faut dire qu'on a un petit peu tous perdu le goût de vivre depuis son défaite. Je passe la plupart de mon temps aéré dans les bars, auprès de couches d'art, de choussard. Enfin bref, une vraie loco comptoir à me dire que j'aurais tellement kiffé entendre coup de soulier, voir nos projets se réaliser. Que j'aurais tellement kiffé voir nos baraques se construire au degré. Que j'aurais tellement kiffé te voir en costume et ta femme en robe de mariée. Que j'aurais tellement kiffé voir ton môme grandir pour voir lui-même le foutre la tanne. F pour force, fureur, fou dans l'écriture de tes textes. Car tu avais la couleur pour l'attitude qui les fait. J'ai eu au fun, une heure avant le drame. Si j'avais su, j'aurais monté plus vite sur Paname. Pour toi, j'aurais donné mes scènes, mes sous, mon sang, juste pour pouvoir passer une journée de plus à galerie, une journée de plus à phaser, une journée de plus en famille, des boules en plus à claquer. En parlant de boules, j'espère que tu te souviens des barres de rire quand j'avais amené à la zone les stripteaseuses de Paname. Des barres de rire quand on traînait toute la nuit à la recherche d'un casse-d'art. Des barres de rire avec elle défiant Naya H, elle la chef en freestyle. Des barres et des barres de rire. Et aujourd'hui, que dalle. Alors que nous, à l'époque, on innovait nos textes. On était là pour vex, c'était Tifou, c'est FK, sans complexe. On innovait nos textes. On était là pour vex, Tifou, c'est FK. C'était Tifou, c'est FK. Max 2, ce phare te casque et nos, je les ai à l'œil. Les boules qui hier nous ont fait kiffer. À l'époque, des contraintes, y'en avait aucune. Du moment que la go avait le pas du dos qui ressemblait à celui de la lune. F comme tu disais qu'il fallait que je dise au public qui j'étais. Et moi, je voyais pas trop l'intérêt. J'ai plus qu'il te fasse depuis que t'es parti. Maintenant que j'ai repris le mic, le monde entier sera quitté. Même si pour ça, il faudrait que moi je tombe. Excuse-moi frelot de pas avoir eu le courage de venir te voir sur ta tombe. C'est juste que je voulais être pour toi, pour lui, pour elle. Celui qui vous aurait évité d'avoir le maximum ticket. Mais t'inquiète, on écoute encore tes sons. FK, tu nous manques encore. FK, on pense à toi. FK, pour toi je reprends le mic et tous tes fans lèvent encore leurs bras. FK, dommage que je ne puisse remonter le passé ni le descendre. Mais je sais que tu reposes en paix mon ami. Car au jour d'aujourd'hui, le phénix renaît de ses cendres. Tout le monde le surnomme le Freddy. Le Freddy. Et tout le monde le surnomme le Freddy.